Cabin Boy on the track. On revient très fort, on kick sur tous les beats. On sent bien très fort, prochaine fois on part vite. On est chaud bouillant, le son sort de la marmite. Rendez-nous l'Afrique et on sera quitte. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. J'ai pas de concurrence, frérot, je suis trop loin. J'suis dans la cabine, je gesticule que j'suis plus humain. Zinzin, tu es, zinzin, ils sont. Me regarde pas dans les yeux, j'suis pas ton copain. J'rappe pas pour percer, mais j'fais de la musique pour les miens. Eux, ils veulent percer, mais j'te jure qu'ils savent même pas faire de refrain. Le son est en ligne, la vidéo arrive sur Insta. Ils parlent de ma vie, mais leur vie a toujours été instable. Toujours conscient.